le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est du direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Ils vont délire ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Dès 20h, la trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Bonsoir à tous, bienvenue. Ta-la-la-la-na. Ah ouais, là il y a un mash-up, il y a tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est l'ambiance des fêtes qui s'installe pour un mois dans cette émission. Ah waouh. Oh, ça y est. Il nous manque juste en fait de la déco de Noël. Oui, en fait, oui. Oui, mais non. Je sais que t'as mis ta culotte de Noël, mais bon. Mais... non. Oh. Mais il y a les lumières dehors. Il y a les lumières sur le balcon du voilà, studio. Tout le studio est éclairé. Oh. Trop beau. Bah, j'éclaire les voisins et toute le boulevard Auguste Reyers avec mes guirlandes. Et toute la moitié de Bruxelles, effectivement. Mais tu veux vraiment qu'on nous repère, en fait? Ah merde. C'est que nous sur le boulevard qui ont un balcon aussi. Bah, on est les seuls à avoir une guirlande. Voilà. Est-ce qu'on est sûr qu'on a autorisation d'émettre, en fait? Parce que... tout est pirate ici. Comme ça, tu le sais. On vous a prévu plein de surprises pour l'émission de ce soir. Vous allez en avoir pour votre argent. D'autant plus que c'est gratuit. Avec le jeu du texte qui fait son retour pour une deuxième semaine. Vous avez été nombreux à adorer. T'as mis les mêmes? Jeu d'acteurs en français. T'as mis les mêmes que la semaine dernière à refaire? Alors, c'est les mêmes personnes. Mais c'est pas les mêmes pauvres. C'est des autres situations. Ok. Ça va être incroyable. Ça va, toute l'équipe est bien installée, vous êtes au chaud? Oui. Moi j'arrive pas à me réchauffer, mais bon, ça c'est mon problème à moi. Oh. J'ai toujours ce problème. Je suis un glaçon ambulant, c'est-à-dire que je mets le chauffage partout sur 28, on n'en peut plus de moi. C'est quelque chose. C'est parce que tu manques de câlin. Ou alors il manque quelqu'un. Kix par exemple. Ah oui, c'est vrai. Bah, il est pas là cette semaine. En même temps, c'est normal, la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit. On l'embrasse, bien sûr. Il manque trop. Oui, on l'embrasse. Il se repose un peu cette semaine et il sera là dès la semaine prochaine. Mais ça ne change rien au fait qu'il y aura Jean-Michel. Ouais. Qui va se connecter à son bar. Radio Falminioul sera avec nous. Bref, toutes vos séquences préférées sont là, comme d'habitude. Il y a juste l'un des nôtres qui nous a quittés. Bon. Non, mais il va revenir. Lui. Non, c'est horrible parce qu'en fait il a été à un enterrement et c'était très indélicat ce que je viens de dire. Voilà, bravo. Oh, mais c'est pas possible. Compris. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Ah oui, ça on avait compris, oui. Allez, je vous propose. Ah bah oui. Saint-Nicolas, ça ne vous dit rien les étudiants? Ah bah oui, c'est aujourd'hui. Alors, quel est le rapport très spécial entre les étudiants et Saint-Nicolas? Non, c'est les enfants, non, je sais pas. Oui, mais alors moi j'ai découvert quelque chose grâce à TéléMB, la télé locale de Mons-Borinage. Que Saint-Nicolas était aussi une véritable tradition depuis plusieurs décennies pour les étudiants montois. Il y a 7 cercles étudiants de Mons qui se sont réunis aujourd'hui pour faire un cortège estudiantin qui déambule dans les rues du centre-ville. Une mission donc, car ils sont étudiants. Boire. Votre conseil pour tenir jusqu'à la fin, en bon état, on va dire. Pas commencer à 9h du matin comme on l'a fait. Oui, ne pas commencer à 9h du matin, c'est effectivement un premier précieux conseil. Est-ce que quelqu'un en a d'autres? Faut manger et boire de l'eau, faut alterner un petit peu. Bien s'hydrater, genre boire une bière, un verre d'eau. Une bière, un verre d'eau. Il faut boire de l'eau. Et manger, c'est important. Ok, et puis il y a les gens vraiment très réalistes. Je tiendrai pas jusqu'à la fin, donc... Ah, c'est mort. Non mais surtout, bon allez, si vous buvez là ce mois-ci, êtes-vous juste sûr de ne pas prendre le volant après et d'être bien entouré? C'est juste le plus important et on vous le rappelle, c'était la minute sérieuse de l'émission. Bon, 6 décembre, en parlant de Saint-Nicolas. On a eu des cadeaux ou non? Ah bah alors mieux. Ah. Vous savez Saint-Nicolas qui va rentrer tout de suite en studio. Énorme. Je vous propose de lui faire un accueil très chaleureux, s'il vous plaît. Attendez, c'est quand même Saint-Nicolas, accueillez-le, merci. Mais non, mais dites quelque chose, vous êtes content de le voir. Ah, bonjour Saint-Nicolas. Bonjour Saint-Nicolas. Que vous êtes grand. Bonjour. Attendez, mais je... Vous voulez un installez-vous, style, installez-vous. Peut-être je m'installe, laissez-moi deux petites secondes, vous car êtes... l'impression d'être enrhumé. Un truc... J'ai un spray pour le nez, si vous voulez. Qui serait-il? Qu'on me foute la paix, d'abord. Je vous en remercierai. Voilà, je pense que... Ah ben non, mais qu'est-ce que je fous, moi? Ah, voilà, j'ai... Mais votre crosse n'arrive pas à passer, qu'est-ce que vous faites? Ah, je sais pas, je fais des réglages techniques. Bref, je vais lire vos lettres que j'ai bien reçues. Bonsoir, Maëva. Bonsoir. Dans ta lettre, tu m'as écrit... Salut, poteau. Je n'ai pas été sage cette année, mais ça, tu t'en doutais. Tu remarqueras que je suis honnête. Je me suis bien explosé la gueule dans les festivals cette année et je compte recommencer. Cependant, j'aimerais que tu m'offres cette année pour ma petite poufiate. Ma tendre Fiat qui tombe en ruine, sniff sniff. Un contour tout en caoutchouc pour absorber tous les coups quand je me gare. Notamment au parking du Docks qui est vraiment très étroit. Ça reste entre nous, mais j'ai raflé toute une poutre avec une voiture que j'ai empruntée à mes parents et personne ne l'a jamais remarqué. Merci Saint-Nicolas, bisous et cœur avec les doigts. Mais enfin, mais j'ai jamais écrit ça. Je n'ai jamais écrit ça et j'ai pas abîmé la voiture, c'est pas vrai. Ça c'est calomnie. Pour le reste, par contre, j'ai du mal à dire que c'est faux. Voilà. Donc, merci pour ton honnêteté. Et même sur les points où tu dis que tu n'y es pour rien, nous savons que tu y es pour quelque chose. Mais grâce à ton honnêteté, on va t'offrir un cadeau, petite Maëva. Ah. Quoi? Malheureusement, on ne nous a pas donné de budget pour faire de cadeaux. Donc, il faudra que tu t'en réfères à mon confrère, le Père Noël. Ah, nickel. Antoine m'a écrit aussi une lettre. Hein? Bonsoir Saint-Nicolas, je suis actuellement en train de faire mon réseau domestique, ce qui m'amène à de nombreuses requêtes. Aurais-tu un switch Ubiquiti Wi-Fi 6E qui fait routeur et qui est contrôlé en 10 gigabits seconde pour la domotique de ma maison avec un télétexte en triphasé? Je t'en serais très reconnaissant si tu m'offres ceci, grâce à la référence exacte suivante. BZ57561256262. D'ailleurs, Saint-Nicolas, es-tu par ailleurs intéressé par un switch Cisco que je vends, car il n'est plus compatible avec mon installation Synology en 3.2. Je te ferai un bon prix. Avant de finir, je ne te parlerai pas d'antenne, mais de ma compagne. Ah, bien sûr. Peux-tu lui offrir un tranquillisant puissant? Car je transforme notre appartement en vraie salle technique, voire même, selon elle, un véritable data center. Donc sache que... Angélique te remercierai pour ce geste. Merci pour nous et joyeuses fêtes. Bonsoir Antoine. Bonsoir Saint-Nicolas. Bon, ça y est, vous avez fini de faire les cons avec Saint-Nicolas, là, parce que vous le dérangez, ce pauvre monsieur, non, il a encore beaucoup de travail. On peut demander à Saint-Nicolas un démenti, parce qu'il y a ma mère qui m'a envoyé, c'est quoi cette histoire de poutre dans les parkings des Docks? C'est vrai, Isabelle, mais elle vous le dira pas. Allez, on y va, on enchaîne. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que la maman de Maëva est vraiment en train de la passer à la casserole pour savoir si c'était vrai ou pas, cette histoire de voiture. Mais dis-lui que c'était pas vrai. Mais je mens pas à ta maman. Dis-lui que c'était pas vrai. Bon, alors c'est vrai, mais non. La voiture n'a rien. Alors, est-ce qu'on peut être honnête comme ça? Ne tourne pas la vérité en fonction de ce qui t'arrange, Maëva. Tu n'as pas été éduquée comme ça. Avec Isabelle, on n'a pas géré ça comme ça. Je te déteste. T'arrives quand même à manœuvrer dans des parkings sans flinguer la bagnole. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. C'est vrai. J'ai déjà flingué la bagnole. Au Docks. Non. Dans le parking d'une autre vie radiophonique que je mène en parallèle. Ah oui, Diron. Oui, mais en même temps, il casse gueule celui-là. Oui. Bon, on n'en parlera pas. Non. Maman m'a déjà envoyé un message. Yves, écoute, mon beau-père écoute. Et c'est la voiture de ton beau-père. Mais oui. Bon, c'est quoi? Ne parlons plus de ça. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Parlons d'une émission qui est passée récemment sur RTL TVI. Je sais pas si vous l'avez vue, ça s'appelle Nos Incroyables Forains. J'ai entendu parler, mais... Alors, sur place, ils ont envoyé Sabrina Jacobs pour apprendre le métier de foraine. Alors, pour que tout le monde situe, Sabrina Jacobs est journaliste, je sais pas si on prononce le S même, journaliste et présentatrice, notamment en Belgique, connue pour la météo sur RTL TVI. Oui. J'ai bien situé la dame. Oui, oui, très oui, bien. Oui. La famille de Patrick de Corte, qu'on compte parmi les forains les plus connus de ce pays, va lui ouvrir ses portes. Et c'est Marvin, le fils de Patrick de Corte, qui est spécialiste des croustillons et des churros, et qui va l'accueillir dans son chalet du marché de Noël de Bruxelles. Voilà, c'est par ici qu'on rentre. C'est ça, c'est l'entrée. Je peux Oui, vas-y, ouais. Pas de souci. Oui, c'est le principe en fait, une porte qui a fonction d'être une entrée. Voilà, c'est un petit chalet, donc c'est compliqué de louper la seule porte qu'il y a. C'est vrai que... Je vais me mettre là, voilà. Voilà, t'es pas trop à l'étroit, ça va? Non, écoute, bon, on a l'habitude, nous. C'est vrai que c'est pas grand pour travailler, il n'y a pas beaucoup d'espace. Non. Ouais, c'est très petit, c'est scandaleux comme condition de travail, non? Peut-on faire un syndicat, peut-être? Oh, on se calme, Sabrina. On est là pour faire des churros. Alors, quelle est la première étape pour en faire? La pâte. La pâte. T'es avec ta maman, là, en train de négocier. Donc, la pâte. Mais comment est-ce qu'on fait la pâte à churros? D'accord, Maëva, aucune idée. La pâte à churros, mais si. Mais t'es pas avec nous mais ou quoi? Non, mais non, je suis en train de me régler mes comptes avec ma mère. Confisqué, je prends le téléphone. Non, je prends le téléphone. C'est confisqué. La pâte à churros, mais je sais pas, il faut. De la farine. La première étape. Pardon, oh, enfin, c'est facile. Mais on fait de la pâte. Sabrina Jacob, c'est quoi la première étape? Ouais, je vais me laver les mains. Ok, vas-y. On se lave les mains, bah oui. Oui, mais... oh là là. Bah si on veut qu'il y ait du goût. Allez, on passe à la recette. Dis-moi la farine. Mais c'est très vrai. C'est très cliché aussi sur les forains. Bon, la première étape de la recette. Ok, alors dis-moi la farine. Bon, une pelle complète. Une pelle complète. Une pelle complète. Allez, hop. Complète, complète. Complète, complète. Plein, plein, plein. Ah, c'est pas assez plein ça. Voilà. C'est voilà. Lourd. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Ok. Tout dedans. Tout dedans. Allez, hop. C'est parti. Toujours rien de faire ça. 12 kilos de farine plus tard. Je pense que le compte est bon. Et. Ça lui a évoqué plein de souvenirs à Sabrina. Elle a envie de raconter ses petits souvenirs d'enfance avec ce monsieur forain. Tu sais que j'avais un arrière-grand-père qui était boulanger. C'est vrai. Après, il y a le sucre. Voilà, il en a rien à foutre. Visiblement. On peut passer à la deuxième étape de la recette. On va mettre du sucre. On le met dans le pli de la main. Non, je fais ça. Vas-y. Encore. Encore un petit peu. Si on a des petits. C'est bon. Voilà. Comme ça. Voilà. Beaucoup de sucre surtout. Hein. C'est comme ça que les clients reviennent. Et on y rajoute un dernier ingrédient important. Vous avez une idée? Du Nutella. Ok, vous êtes toujours pas... Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ouais, c'est ça. Ben, l'amour, les forains, ils appellent ça... Un peu de secret. On va pas tout dire. C'est une préparation maison. Ok. Voilà, un peu. Bon, on sait pas s'ils ajoutent, hein. C'est peut-être illégal même. Hein. Ils ajoutent un petit truc dedans. Tu crois que c'est du sucre, mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai vraiment la vérité et notre équipe a bien investigué. On sait enfin quel est le secret qu'ils rajoutent aux churros. Ah ouais? Ouais, écoutez. C'est de la merde. Non. Cloug. Après avoir ajouté de l'eau chaude et mélangé le tout, étape finale, Sabrina. Pour une cuisson uniforme, je dois rapidement couper les churros censés être tous de la même taille. T'es prêt pour toute la journée là? Je pourrais expliquer à mes enfants comment ils font faire. Et c'est physique hein? Ah ouais hein? Attends. C'est autre chose que la météo hein? Mais tiens, prends-toi ça. Oh, c'est tellement gratos. Toi qui passes ta vie à glander. Montrer les soleils et les nuages, on sait le faire aussi nous hein. Nous on fait des churros. On l'embrasse. Si elle nous écoute, c'est peut-être possible. Bienvenue dans quelques instants. On va avoir. Je sais même pas ce qu'on va avoir. Ah, si, bah le jeu du texte. Oui. C'est fou. Je t'acclare en français. Oh. Ça va être fabuleux. Il faut juste pas débrancher la radio. Dès 20h, c'est Jadoul. Est-ce qu'on peut dire à Maëva de récupérer sa soupe? Parce que j'entends le micro-ondes biper depuis 3 minutes. Là, c'est une soupe à quoi? Mais c'est un bouillon que ma maman m'a fait. Ah, c'est vrai? Oui. Bah, tu le mérites pas vu que t'as pété sa bagnole. Une soupe au poireau. Ouais, c'était plutôt ça. Moi, je m'attendais à une soupe au poireau. Non. C'est une soupe à quoi? Au poireau. Ah bah, ce sera une soupe avec une bonne paire de claques hein, quand elle saura ce que t'as fait à la voiture. Mais j'ai rien fait à la voiture. C'est scandaleux. Non, arrête, franchement. Non, mais c'est vrai, je trouve ça honteux. Le problème, c'est qu'elle boit tes paroles et donc elle croit toutes les bêtises que tu dis. Mais parce qu'elle sait que tu lui mens. Mais non! Tu lui mens! Non! C'est scandaleux. Bon, bref, on en reparle dans un instant. Tous les mercredis dès 20h, oh my gosh. C'est c'est avec Jadoul, dans la trappe sur KIF. Waouh. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, on est passé en mode Noël. Alors, spoiler, là, je vous laisse exactement 33 secondes pour écarter tous les enfants qui écoutent la radio en ce moment. Vraiment. En plus, le 6 décembre, on peut pas faire ça. Il faut vraiment éloigner tous les enfants qui écoutent la radio. Je vous laisse le temps de... En même temps, il est 8h20, donc c'est l'heure d'aller au lit. Oui, c'est ça. Voilà, 8h21. Ouais. Sommeil, un spéculoos dans la bouche et au lit. Un spéculoos et au lit. J'ai eu peur de ce que t'as dit, un spéculoos dans... Oui, je me suis retenu de dire autre chose. Oui, allez, petite page de pub. Allez, argent, allez. On en a besoin, c'est les fêtes. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Ajoutez un must à votre propriété en valorisant votre toilette avec la compétence et l'expérience de l'entreprise Light Fusion SRL, avec le patron bercé depuis son plus jeune âge par la musique jamaïcaine et le hip-hop, réalise avec soin entre création de toilettes dont élévateur, nacelle et aménagement intérieur, démoussage, réparation. Pour joindre l'entreprise Light Fusion SRL, formez le 030@gmail.com. Visitez le site daddycookies.be. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Oh bah avec plaisir, nous si on peut un petit peu aider durant les fêtes, hein. Radio Falminioul qui retrouvera 3 minutes d'antenne dans une petite heure maintenant, il ne faut pas débrancher la radio. Ça y est, tous les enfants sont partis. Je l'espère. J'espère aussi parce que... Ton petit frère il s'appelle comment ? Pierrot. Le Saint-Nicolas, il existe bien, hein. Bah oui. Bah oui. Bah oui, il est passé ce matin, il m'a envoyé une photo. Et là, tu me confirmes que Pierrot n'écoute plus la radio. Mais j'espère qu'il écoute plus la radio. Bah, j'espère. Non, au non, pire. En vrai, il est au lit à 20h d'habitude, donc non, c'est bon, vas-y, on se lâche. Un spéculoos. Bon, allez. Là, on va écouter une maman. Elle s'est faite épingler par sa fille parce qu'il n'y avait pas de papier cadeau autour de ce que Saint-Nicolas lui a apporté ce matin. Alors, la mère lui a dit... Bah non, chérie, Google, il dit très bien. Saint-Nicolas, non. Papa Noël, oui. Oui. La fille demande pourquoi Saint-Nicolas n'emballe pas les cadeaux alors que Père Noël, oui. Et elle est très maligne, la fille. Comment ça ? Bah non, j'ai jamais emballé. Ah ok, donc déjà, tu nous mens toutes ces années en nous disant qu'il y a un grand monsieur avec une viande d'arbre et des poux peut-être à l'intérieur qui vient nous apporter des cadeaux par la cheminée. Tu nous mens toutes ces années. Et puis tu viens nous dire « Oui, mais c'est moi et tout !» Le problème, c'est qu'on est vite cramé quand on dit « Je n'ai jamais... Père Noël, Saint-Nicolas, ma grand-mère. » Le pape. Pauvre maman. Et la fille, elle est maline. Elle a tout compris en 2 secondes. En fait, vous avez juste la flemme d'acheter 36 000 papiers cadeaux pour 46 000 cadeaux. Dans... et, en fait, mais non, c'est pas comme ça, c'est les traditions. Oui, madame, en fait, il faut penser à avoir plusieurs papiers cadeaux différents, sinon Saint-Nicolas et Père Noël sont complices. Et il ne faut pas laisser traîner les rouleaux après, parce que ça aussi, c'est dangereux. Allez, vérification sur Google et au lit. C'est pas une question de tradition, si Père Noël est en balle, Saint-Nicolas est en balle. Demande à Google un téléphone. Ce sera pas en balle. Bonne nuit. Je t'aime. Flemme. Flemme toi-même, ouais. Attends, et... non mais c'est vraiment deux copines, hein, la mère et la fille. Non mais c'est vrai, on n'emballe pas. Saint-Nicolas n'emballe pas et Père Noël, oui. L'armène pas. Je te signale que t'as ta mère sur ton dos là. Non mais c'est vrai, c'est la vraie tradition. C'est vrai. Saint-Nicolas n'emballe pas les cadeaux, le Père Noël si. Ah bon? Ben oui, je te jure. Ah, je le savais pas. Mais comme ça, tu le sais. Tu m'apprends quelque chose. Je suis même choqué. Et parce que le Saint-Nicolas, il a pas de lutin, alors que le Père Noël, si. Ah, et donc les lutins aident. Bah oui, c'est ça. Bah oui, mais oui, mais les gars. Oh. C'est juste la mère là qui s'est embrouillée les pinceaux, mais bon, c'est très bien que. Au moins, je trouve que Saint-Nicolas, il fait un peu brouillon, mais Père Noël, il a la classe. Ouais, c'est vrai. Parce que il est américain, hein, Père Noël. Ah ouais, Coca-Cola dans l'eau. Coca-Cola, oui, voilà. Hop là. Alors que Saint-Nicolas, il a moins de maisons à faire. Ah oui, bah oui. Oui, parce qu'il passe que chez nous. Et puis moi, à Saint-Nicolas, je vous rappelle que quand j'étais en primaire, c'était pas la même chose. Hein. Oh, De quoi? L'histoire trash? En fait, dans mon école primaire, pour les enfants qui écoutent, on n'arrivait pas à voir le vrai Saint-Nicolas. Donc on avait le gardien qui se déguisait en Saint-Nicolas. Sauf que le problème, c'est qu'un gardien de l'école qui se déguise en Saint-Nicolas pour te recevoir sur les genoux, alors qu'il a picolé depuis 8h au matin... Oh purée. T'as le droit à... Et mon petit, qu'est-ce que tu... Et là t'as les effluves, tu sens tout ce qu'il a mangé et bu depuis les 3 derniers jours. Et en plus, comme c'est le même costume depuis 4 ans, il y a les taches de tout ce qu'il a fait à la pause qui sont visibles. Donc tu sais avoir tout le menu sur lui. Et l'odeur. On vous souhaite un bon appétit si vous passez la table, évidemment. Qu'est-ce que t'as eu pour Saint-Nicolas? Une guinze. C'était incroyable. Merci de nous avoir choisis. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Absolument. Le jeudi texte arrive dans quelques minutes. On va écouter Section d'Assaut et le tout dernier Jul est aussi présent. Donc autant vous dire que niveau musique, on est refait. Et je lance le jingle de la suite. Tous les mercredis des 20h, c'est avec un bon morceau de gâteau. Bien voilà, merci Simone. Ce blanc, on t'a... Donc il y a deux trucs drôles, il y a le jingle, mais il y a aussi toi qu'on entend lancer. T'as vraiment fait le bruit, tu sais, le médecin. La machine à écrire. Dans le silence, le médecin qui tapote ton ordonnance. Pas un bruit, c'est horrible. Juste. Et toi, t'espères qu'il va te mettre 3 jours de maladie? Pas du tout, il donne juste des strepsils. Des dafalgans. Et là, t'entends juste. C'est ça. Normalement, la pharmacienne, elle va comprendre. 3 fois par jour, si vous êtes encore malade, vous revenez me voir. Et ça ferait 49 euros. Vous êtes assuré? Vous avez une vignette? Quelle mutuelle? Bon, l'imprimante ne fonctionne pas, je vous écris à la main, j'espère que vous saurez relire. Et là, généralement, c'est mal barré. C'est schnoll. Bon, je vous propose qu'on arrête nos conneries, là, parce qu'on a quand même des choses qui sont prévues là, avec nos impros. C'est le jeu du texte. Ah. Le principe, c'est jeu de l'acteur en français. Ça vient de TikTok, vous devez donner la réplique à une vidéo et nous offrir un jeu d'acteur absolument parfait. D'accord. Vous avez la pression, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Antoine, est-ce que tu as le texte en page 7? Alors, page 7, oui, tout à fait. Eh bien, parfait. On y va, on se met dans l'ambiance. Antoine, voici ta situation. Jeu d'acteur en français, tu découvres que tu t'es fait caca dessus devant ton crush. Oh. Mais c'est énorme. C'est créatif, hein. Non, c'est créatif. On est sur des chouettes idées. Bravo, TikTokeuse. Bon, on y va, attention. Donc, tu joues le crush et elle va jouer l'amoureuse qui se fait dessus. Allez, attention, action. Salut, ma chérie. Coucou. Si tu veux, je t'emmène dans les magasins faire un peu de shopping. Comme c'est pas encore les soldes, on va pouvoir bien se ruiner pour les fêtes. On fait quoi, là? Mais mon amour, que se passe-t-il? Je crois que je me suis fait caca dessus. Bah, toujours dans la finesse, hein, ton humour. Si, c'est en train de dégouliner, là. Oh. Bah, je te propose d'aller aux toilettes, peut-être? Bah, j'y vais. Voilà, c'était la première situation. Allez. Pourquoi pas oui, voilà. En tout cas, Antoine a été très bon. Je ne sais pas si la faute venait vraiment de lui, mais plutôt peut-être de TikTok. Ou de la situation. Tout est ajouté. Tout était horrible. Maëva? Oui. On se remet en situation. Voici. Qu'est-ce que tu vas jouer avec notre adorable Élodie? Je joue le vendeur à la boulangerie qui drague. Ok. Tu fais la cliente et tu seras face à elle qui fait Monsieur le boulanger. Attention, on y va, action. Bonjour Monsieur le boulanger. Bonjour mademoiselle, je te trouve très très charmante quoi. Et très très mignonne quoi. Bah dis donc, vous êtes direct. Ça dirait de venir goûter ma grosse baguette bien fraîche, bien juteuse et bien longue à l'arrière de la boulangerie, quoi. Une baguette juteuse, je ne suis pas sûre de comprendre. Ne t'en fais pas, personne ne sera au courant, quoi. Ça restera entre toi et moi, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Désolée, mais j'ai déjà un homme dans ma vie, désolée monsieur. Mais sachez que vous avez plein de qualités et j'aime les grosses baguettes. Vous m'avez mis l'eau à la bouche. Je m'en fous que t'es mariée. Si je te veux, je t'aurai ma grande, t'as compris? Je t'arrache la tignasse et tu viens avec moi à l'arrière de la boulangerie goûter ma grosse baguette, quoi. Ne t'en fais pas. Je suis un homme très très discret, quoi. Ça restera entre toi et moi, quoi. Hop, hop, hop, on se calme. Allez, hop là, oh c'est réglé. Ah, toujours aussi. Je vais avoir peur d'aller chez le boulanger, voilà. Baguette juteuse, j'ai jamais vu ça, moi. Quand je vais arriver, oui. Je vais dire bonjour, vous voulez quoi, une baguette? Et je vais le regarder, l'air de dire non. Oh mon dieu, quelle horreur. Ah, oh, j'adore. Vous avez tous été très bons et tous les TikTokers ont été très mauvais. Je pense qu'il n'y a rien de plus à rajouter, si ce n'est que dans un instant, on va faire la mise à jour de Maëva. Oui. Oui, tout à fait, je vais... Oui, oui, oui, je suis là, mais encore. Non, mais je vous ai promis quelque chose la semaine dernière. Ah, hein, une non, chronique. Un top. Un crop top. Un crop top. Non, un top des meilleurs films de Noël à voir. Oh, oui, bah oui, voilà la magie des fêtes. Cette saison. Antoine va nous parler de quoi d'ici quelques minutes aussi? Du télétexte. Du télétexte, bien sûr, mais aussi de Threads. Waouh, ben on reste là. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Et on a rendez-vous maintenant avec pas n'importe qui. Oh yeah. Je te laisse les annoncer, Maëva. Les sections d'assaut, What If I Night? What If I Night? Attends. Et je coupe. Non. C'est ça, je cousin, il a fait un sale toi arrière. What If I Night? Voilà. Il lui fallait un truc, c'était ce What If I Night. Voilà, on peut terminer l'émission. Bon, est-ce que t'es What If prête pour ta chronique? Oui, bien sûr. Bon, alors c'est parti. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. C'est si angélique. Oui, c'est si. Bon, c'est... Ouais, c'est très angélique. J'adore. On embrasse la copine d'Antoine qui s'appelle donc. J'arrête. Pour ceux qui ça, c'est, à chaque fois que tu passes, c'est le nombre de claques que je vais me prendre en rentrant, probablement. Donc. Sadique. Salaud. Ah, vrai salopard, ce Jadoul. Dans un instant, l'interview brutale. Notre invité, ce sera... Ah, Becky, c'est pas là, donc ça va être compliqué. Albert Dupontel. Albert Dupontel. Merci, vous avez bien préparé. Et on va avoir plein de surprises. Et cela n'empêche que Kix n'est pas là, mais il y aura quand même le jeu du FaceTime. Ah oui, oui, oui. Il m'a donné les clés. Ouais, ouais, il m'a donné... Franchement, ça a été dur. J'ai les clés, je vais essayer. Il t'a envoyé 4 réponses et il a fait les sons pour toi, c'est ça? Ouais. Ok. Maintenant qu'on a les coulisses, est-ce qu'on peut savoir de quoi il en retourne, ce top des meilleurs films de Noël, Maëva? Eh oui. Oh, pardon, j'ai coupé tous les micros au lieu de couper mon micro. Et oui, tu disais. Mais oui, c'est la période de Noël. Tout le monde a sorti les décorations. J'espère, peu d'excuses, hein, ceux qui disent on attend la Saint-Nicolas, ben c'est aujourd'hui, donc go, on met les décorations. Oui. Et pour les fans de cette période, comme moi, j'ai fait, comme promis la semaine dernière, un top des films de Noël à regarder. Alors, je vous épargne de vous parler du Grinch, du drôle de Noël de Monsieur Scrooge, du Père Noël est une ordure, Love Actually, The Holiday, Maman j'ai raté l'avion, le Pôle Express. Bref, tous les classiques que tout le monde connaît. Et ben, faut impérativement les voir, quoi. Ça, je vais pas vous le dire. Vous savez que vous devez les voir. Blablabla, si on veut. C'était pour toi. Parce pardon. Je savais que t'allais me couper pour dire ah oui, j'adore le Père Noël est une ordure. Je te connais maintenant. Je te connais. Ouais. Je me le regarde tous les ans. Oui, bah c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'étais très content de jouer tout à l'heure. C'est de la merde. Non, non, c'est clougue. J'adore. Et du coup, là, je vais plutôt parler des films, enfin des nouveaux films de Noël qui sortent sur les plateformes de streaming depuis déjà plusieurs années. Et chaque fois à cette période, du coup, je vais dire ce qui vaut le coup et ce qui le vaut moins. Alors, comme promis, j'ai fait le tour des plateformes et je commence par Netflix. Alors, eux, c'est les petits lutins des plateformes de streaming parce qu'ils font beaucoup de créations originales Netflix de Noël. Parmi tout ça, qu'est-ce qu'on a de bien? Il y a L'Élite Snow ou Flocon d'amour en français. C'est sorti en 2019 et c'est un de mes préférés de la plateforme. Ça suit un peu les péripéties, principalement amoureuses, hein, je vais l'avouer, de plusieurs personnes dans une petite ville enneigée. Voilà, c'est vraiment mignon, c'est gentil, c'est pas trop cucu. Non, je te jure, c'est pas trop cucu. Non, t'es sûr? Je te promets. Okay, non, il y a de l'amitié, c'est intergénérationnel. il y a du LGBTQ, il y a tout, c'est mignon. Oh bah si Maëva avale, si Maëva, mais si oh, si ma... Si Maëva donne son aval ce soir. Si Maëva donne son aval, c'est devenu si Maëval. Si Maëval. Si Maëval. Oh la vache. Et ça veut dire quoi si Maëval? Il est trop tôt. Alors, à voir aussi, absolument, c'est Klaus. C'est un format dessin animé. Ça revisite l'histoire du Père Noël. Donc, les personnages sont bien pensés. L'animation est tout à fait magnifique. J'adore l'animation. L'animation, c'est trop mignon. C'est un film qui parle de générosité, de la magie, des petites attentions. Vous sortirez du film avec un petit sourire aux lèvres et un sentiment de nostalgie. C'est idéal à regarder, peu importe l'âge, vraiment. Oh. C'est un dessin animé, mais je le conseille pour tout le monde. C'est vraiment mignon. D'accord. Pour les fans de Bill Murray, donc Ghostbusters. Voilà, Bill Murray, ou juste des comédies de Noël touchantes, il faut regarder Very Merry Murray, de son nom quoi, Christmas. Donc en gros, c'est Bill Murray qui joue son propre rôle et il s'inquiète de n'avoir aucun invité dans son émission à cause d'une tempête de neige. Ah, Mais bien évidemment, il va y avoir plein d'invités qui vont arriver, des célébrités pour l'aider. On a notamment George Clooney, Miley Cyrus. C'est vraiment sympathique, c'est mignon, ça fait sourire. Ouais, franchement, c'est joli. Les films chorales, ça me... Ça chante un peu, ça. Ah oui, ça chante et ça danse, ouais, il faut se préparer. Oh non! Ah si! Ah, ah si. Non! Ah si, si, si, si, si, si. Mais c'est vraiment mignon, ça, mais voilà. Calme. Et enfin, en dernier sur Netflix, c'est une série aussi. Parfois, c'est sympa quand on n'a pas envie de se taper un grand film, on veut un petit truc tous les soirs. Pardon? C'est Noël, les enfants! Tu fais très... C'est la parade de Mickey, ça. Ah bon? Oui. Pardon. Ça va, Chadou? Et donc, je disais, si on n'a pas envie de se faire un grand film, il y a aussi une série qui est vraiment sympa, c'est Merry Happy Whatever. Donc, c'est sur Netflix toujours. C'est une sitcom qui raconte l'histoire d'une famille américaine qui se retrouve pendant les fêtes. C'est drôle, c'est touchant, c'est bonne humeur. Franchement, je le conseille. Quand on a envie de se regarder un petit truc qui dure 20 minutes, les épisodes sont courts le soir. Foncez. Pour Disney Plus. Ah, yeah, c'est pas fini. Mais oui, il y a Disney Plus. Bah, vas-y, il y en a, ça intéresse. Donc, tais-toi, écoute. Ok, pardon. Oh, ça va. Oh. C'est pas parce que t'es le Grinch que tout le monde est dans ton cas, hein. Donc, pour Disney Plus, il faut faire défiler les gros encadrés qui annoncent les nouveautés au-dessus et aller sur l'onglet Joyeuses Fêtes. Là, on a plein de gros classiques comme j'ai cité plus haut, mais bon, je vais pas en parler ici. Et on a aussi des petits courts-métrages faits par Disney Plus. Par exemple, pour les fans de Gardiens de la Galaxie, il y a un Joyeuses Fêtes spécial qui dure 44 minutes et qui raconte l'histoire de la bande, donc des Gardiens de la Galaxie qui vont sur Terre pour acheter un cadeau de Noël à Quill. Voilà, c'est un petit truc en plus qu'on a, ça dure quand même, enfin, franchement, c'est des exclus, enfin, moi j'aime bien. Pour les fans des Simpsons, il y a un petit court-métrage aussi. Ça je veux. Qui raconte la famille qui va rencontrer Bocelli pour un concert. Il y a le même avec la Reine des Neiges, il y a le même avec l'âge de glace, bref. C'est pas du beurre? Quoi? Ah non, c'est Bertoli. Oh. Oh. Non, c'est un chanteur, Bocelli. Bref, c'est tous vos univers préférés qui sont détournés pour les fêtes. Et enfin, en dernier, sur Netflix, sur Disney+, il y a des onglets spéciaux par rapport à vos séries préférées avec les épisodes spéciaux Noël. Donc, par exemple, si vous regardez Grey's Anatomy. Ah, ils regroupent tout. Oui, c'est ça. Vous avez tous les épisodes de chaque saison spéciale Noël. Tout ce qu'on aime, nous, mais en version Noël. C'est ça, le même pour les Simpsons, le même pour toutes les séries qu'il y a sur Disney+. Voilà. Ok. Voilà, ça y est, je peux mettre des sons? Oui, vas-y. Ah. Dédicace pour Antoine, évidemment. Du Clara Luciani, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ah bah voilà, merci Maëva pour ce top série film de Noël sur les plateformes. C'est ça, merci. Enfin, de rien. Cordialement. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. En vous souhaitant. Rien à rajouter? Non, mais je sais pas, moi. Normalement, là, c'est trois lettres. Trois lettres, est-ce que t'arriverais à annoncer l'artiste qui arrive? Je sais pas. Mais allez, non, mais t'es sérieux. Non, j'ai fait exprès, Joule. Et imagine le boss, écoute, on doit défendre avec passion la musique. Joule. Allez, la dernière chanson, sensation de Joule. Et tout nouveau. Tout nouveau, tout nouveau, tout. Tout chaud. Et un grand merci, Joule, pour cette belle nouveauté. Dès 20h. C'est Jadoul sur KIF. Absolument. Oh là, Noël, et il faut faire une interview brutale. Monsieur Brut, ça vous grandit. On peut mettre 0 sur 10 à cette imitation de Jean Lassalle. En revanche, je vous propose qu'on joue à notre traditionnelle interview brutale. Le principe est simple, on prend une interview du média brut, qu'on retourne et on essaye de faire des questions plus drôles. Et le moins drôle d'entre vous se fait... Brutaliser. Tout à fait, c'est bien, il y en a qui suivent ici. On va y arriver. Je teste le taser sur moi pour voir s'il est quand même moyen de vous brutaliser. Sur toi, s'il vous plaît. Saloperie, ce truc. Bon, ça chatouille un peu, quoi. C'est qui aujourd'hui? Albert Dupontel. Oh, mais pourquoi Albert Dupontel aujourd'hui? J'ai envie de parler tout simplement, donc m'écouteront ceux qui veulent, m'écouteront ceux qui peuvent, m'écouteront ceux qui comprennent, etc. Ou personne ne m'écoutera. D'accord. Et les réseaux sociaux pour t'exprimer, ça te suffit pas? J'ai pas de Twitter, j'ai pas de Facebook, j'adonne tout ça, j'ai pas de réseaux sociaux justement. Ok, bon. Tu connais l'équipe de ce soir, je te présente Maëva, Antoine. C'est très différent, il y a un des deux qui est plus petit bourgeois que l'autre, si vous devinez lequel. Ah bon? Bon, ok, d'accord. Merci Albert. Hein. On va essayer d'être rigolo avec tes réponses. Et distraire les gens, c'est moi je suis au summum de mon ambition. Hein. Merci. Allez, on va commencer tout de suite avec la première question. Antoine, tiens. Est-ce que ça t'arrive souvent d'écouter du Johnny? Sans foutre le feu partout. Oh, drôle, malin. Sans foutre le feu partout. C'est dans l'actu en plus. Pourquoi Johnny? Il est dans l'actu. C'était l'anniversaire de son décès. Ah, chouette, on est vraiment dans une super ambiance. Eh oui. Maëva. Mais quand tu peux pas t'empêcher d'allumer plein de bougies chez toi, t'essaies de faire ça. Sans foutre le feu partout. C'est pas faux. T'as vraiment beaucoup de bougies alors. Bah, parfois je m'endors. Non, je te jure, moi, c'est la phobie de ma mère. À chaque fois, elle vient dans ma chambre en mode est-ce que c'est éteint? Est-ce que toutes les bougies sont. Moi, en fait, ce qui me fait flipper, c'est les chats. Ça veut dire que moi, oui. J'ai une chatte et j'ai peur qu'elle, avec sa queue, imaginez, elle prenne un peu le feu et qu'elle aille se mettre dans un rideau ou quoi. Qu'elle fasse tomber la bougie. Oui, simplement. Enfin, c'est super dangereux avec les animaux, il faut toujours avoir l'œil. Bref, Maëva était la moins drôle. Hop là, ça s'est fait brutaliser. Deuxième question, Antoine. Quand je clame haut et fort que je n'aime pas le foot. Et ça lui a valu des menaces de mort et même des tentatives d'assassinat à répétition. On est si nombreux à pas aimer le foot, franchement. Et pourtant, c'est quand même toujours un peu mal vu. Bro. Oh. Tout aussi mal vu que les gens qui aiment pas Jules. Oh. Le cul qui a arrêté de faire des milkshakes au chocolat. Et ça lui a valu des menaces de mort et même des tentatives d'assassinat à répétition. Oh bah si, je sais que le jour où ils arrêtent les milkshakes fraises, il y a Kix qui est devant avec des pancartes et qui fait terminé. Ça c'est le McDo. Ah oui, pardon. Comme ça on a cité les deux et on signe Burger King par la même occasion. Et KFC. Ouais, non, c'est vrai. Quand la mère de Maëva a appris ce qu'elle a fait à la voiture de son beau-père. Et ça lui a valu des menaces de mort et même des tentatives d'assassinat à répétition. Le pire, c'est que c'est vrai. Dernière question, on y va avec Antoine. Quand tu vas pour la première fois à Louvain-la-Neuve. Pas pour camoufler, mais pour me mettre à distance de la réalité. Pourquoi? Ah oui, parce que les gens sont. Oui, ok, d'accord. Oui, mais c'est surtout que moi, j'avais pas du tout ça dans mon texte à la base. Attends. Pas pour camoufler, mais pour me mettre à distance de la réalité. Ah, moi, j'ai ça, moi. Ah, moi, j'avais. Tu peux te perdre, mais apprendre énormément de choses. Très bien. Bah, va faire une autre émission à côté. C'est la semaine dernière. Ah, voilà. Et bah, c'était dans le document quand j'ai ouvert. Et bah, que... t'as peut-être été voir trop tôt. Ah, peut-être. Bah, il va en finir. Attends. Attends, déjà, oui, pour oui, Antoine. Oui. Voilà. Ça s'est fait. Je me maquille, mais... Pas pour camoufler, mais pour me mettre à distance de la réalité. Ça, c'est beau, voilà. Du second degré, comme on aime. Et surtout, toujours une touche de vérité. Dès 20h, c'est Jadoul sur Gaïef. Je peux vous annoncer officiellement que le FaceTime va avoir lieu juste après ça et le Hockey Boomer de Maëva. On va parler de quoi, s'il te plaît? Du Spotify Wrapped. Wrapped d'un enfant handicapé. C'est une belle chanson, ça. Jeune et borné. Bon, ceci dit, on parlait d'un truc avec toute l'équipe hors antenne. Rapt d'un enfant handicapé, c'est vrai qu'il faudrait remettre à la mode cette chanson. Est-ce qu'on se la remet, juste pour le plaisir? Non. Allez, si, pour allez, le plaisir, soyons... allez. Tu es une enfant handicapée. Mais tu es mon enfant. Allez, Maëva. Toujours je t'aimerai. Tu es mon petit enfant. Ange, oh là là, mais oui, c'est si compliqué. Mais il y a que toi qui l'écoutes en dehors de l'émission. Moi, j'ai essayé de l'oublier, tout simplement. Pourquoi, maman, tu pleures? Tu te lamentes sur ton malheur. Sur cette terre où je suis née, je suis une enfant handicapée. C'est joyeuse fête. Tragique. Jadoul, dès 20h, ah oui, sur KIF. Ah ben bien sûr. Ah ben bien sûr. Je vous propose qu'on passe à la séquence de Maëvant. Vous vous souvenez au moins du nom de la séquence? Personne? Bah c'est pas grave, je vous le rappelle, ça s'appelle le... Okay. avec cette séquence épileptique. Il y a moyen de perdre 2-3 auditeurs, mais au final, ça va vous faire gagner en intelligence parce que vous allez être tout de suite à jour sur la tendance du moment. La tendance du moment qu'on voit partout sur tous les réseaux sociaux, c'est le Spotify Wrapped. Wrapped. Je sais pas comment ça se prononce en vrai. Je crois que c'est Wrapped. Ouais, Wrapped, j'étais dedans. Wrapped. Il y a quand même quelqu'un qui nous dit que Wrapped d'un enfant handicapé est numéro 1 sur Spotify. Ah, ça, c'est, par contre, c'est pas bien. Voilà. Enfin, désolé. Hein. On l'embrasse. Bien évidemment. Ouais, c'est pas ouf. Bon, allez, dis-nous tout, Maëva. Mais ça, oui, ça vient de sortir. Et on voit, comme tu le disais, on voit partout, partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde le met en story Instagram. Il y en a qui font sur TikTok, etc. Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas encore, à la base, c'est une stratégie marketing lancée en 2016 par Spotify. Et en gros, vous pouvez accéder à toutes vos statistiques. Donc pour les 551 millions d'usagers Spotify, ils peuvent voir ça. Donc en gros, c'est connaître leurs chansons, artistes, albums, podcasts les plus écoutés, les temps d'écoute, les genres de prédilection, bref, toutes les habitudes de consommation qui sont passées au peigne fin. C'est une stratégie qui fonctionne bien, vraiment bien, parce que moi l'année dernière, il y avait déjà cette hype autour de ça. Ouais. Et moi, je n'ai pas Spotify, je suis sur Apple Music, et je voyais tout le monde partager ça, et j'étais à deux doigts de quitter Apple Music pour Spotify juste pour ce petit truc. Ah oui, c'est que ça marche bien la com autour de ça. Non, oui, parce que étant fan de musique, c'était mon rêve de savoir. Ben voilà, ce que j'écoute énormément de musique, je consomme beaucoup. Je voulais savoir exactement. Et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que pas d'inquiétude pour ceux qui sont comme moi et toi aussi, je pense, Jadoul. Ouais, ouais. Apple Music, ça existe aussi. Alors c'est pas vraiment la même chose. Mais avant d'expliquer pour Apple Music, Antoine, tu veux pas nous expliquer un peu comment on accède à son Spotify Wrapped? En fait, Spotify a commencé à pusher à envoyer des notifications vers tous les utilisateurs Spotify depuis quelques jours déjà. Et donc maintenant, quand on ouvre l'application, on a un message qui dit votre rétrospective, puisque c'est comme ça que ça a été traduit en français, votre rétrospective 2023 est prête. Et ça se présente sous forme comme une story Instagram en fait, avec différentes stories. Tout est fait pour qu'on le partage. Voilà, et bon, on a même des messages entre guillemets personnalisés d'artistes, mais bon, c'est un message qui a été diffusé pour toutes les personnes qui les suivent. Et donc c'est comme ça qu'on a un fil après continu de des messages des artistes qu'on écoute le plus qui nous disent merci, il y a du nouveau qui arrive, stay tuned, voilà. Ok, parfait, merci. C'est super clair. Mais du coup, pour Apple Music, c'est un peu la même chose. Jadoul m'a dit qu'il avait reçu des notifications, moi pas du tout. Ouais, moi j'ai eu votre replay 2023 est disponible sur Apple Music. Ouais, non, moi j'ai pas du tout eu ça. Heureusement, vu que j'avais fait mes recherches l'année dernière, je savais plus ou moins quand j'ai vu que le Spotify Wrapped venait de sortir, je me suis dit, c'est le coup aussi sur Apple Music. Donc vous allez en fait sur votre application et vous avez en bas écouter, puis vous avez explorer. Et si vous cliquez en haut, c'est le premier truc, c'est découvrir vos morceaux préférés de l'année avec le replay 2023. Vous cliquez dessus, ça ouvre une page sur votre moteur de recherche. Et exactement comme Spotify, il y a les mêmes, c'est sous forme de story, on peut partager, etc. Et à la fin, si vous voulez pas passer à autre chose comme moi et avoir de nouvelles écoutes, si vous allez tout en bas justement de cette nouvelle page où donc vous voyez tous vos classements, en bas vous avez ouvrir sur Apple Music et alors ça vous donne une playlist avec les sons, ces sons que vous avez écoutés énormément. Très bien. Est-ce que on peut. Oui, ça. J'ai envie de savoir. Vous voulez savoir? Alors oui, donc comme j'expliquais, moi j'étais prête à aller sur Spotify, donc j'ai fait ça sur Apple Music. Quand j'ai vu les résultats, j'ai déchanté et je ne l'ai même pas partagé. À ce point? Mais parce que en fait, tu t'attends pas à avoir tes trucs. Là, ça te dit la vérité. Ouais, mais tu t'attends pas à ce que tes musiques honteuses soient aussi haut dans les classements. Bah oui. Il faut assumer, hein. Et vas-y pour le partager en story après. Mais moi, j'ai pas partagé mes artistes alors que c'est ce que je voulais partager à cause de l'artiste. En deuxième position. Aïe, c'est qui? On veut entendre, on veut savoir, on veut voir. Alors, déjà, j'aimerais bien dire en première position que vas-y, c'est quoi ton number one? C'est les Red Hot Chili Peppers, ça c'est la classe. Vas-y, fais-nous plaisir. Voilà. Ça c'est la classe. Ça tu l'assumes. Oui. En même temps, tu l'as tatoué le logo de Red Hot sur toi, donc. C'est vrai. Mais disons que le deuxième, vous allez voir, il y a un changement d'ambiance et d'humeur, c'est qu'on passe de ça en un et en deux. Alors, DJ Maëva. Peux-tu tout arrêter et nous faire écouter? Et en deux? Ah oui! Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est Pascal Obispo. Ah non, pardon, c'est pas de la merde! Tu es tombé du ciel! Mais oui, mais. C'est toute mon enfance. Et pour mon excuse, pendant des années, il n'a plus été sur aucune plateforme de streaming d'écoute. Ouais, bah comme parce qu'il a, ouais, il avait voulu faire son propre truc. Et cette année, en 2023, il est revenu. Bon, et, bah, je me suis, et je me suis vengée, je pense. Et t'en as écouté d'autres écouté, mais, alors lui, il n'est pas dans mes musiques préférées. Ma musique préférée, c'est compliqué. Vous allez pas. Enfin, c'est ça. C'est une chanson de la BO du dessin animé Coraline. Laisse-nous écouter. Bonjour, je voudrais, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un menu de 12? Non, c'est pas chinois. Bon, ok, merci, c'était très sympa ça. En fait, non, c'est juste que c'est ce que j'écoute en boucle quand je lis. D'accord. Quand tu lis, c'est, quand je lis, c'est bien en fond. C'est reposant. Vraiment, oui, en sourdine, en fond, en boucle. Non, ça, c'est pas drôle. Bref, c'était mon moment, le tien. T'écoutes ça aussi? Non, ça, j'écoutais pas. Ah, pardon. À toi, vas-y, fais-nous rire. Moi? Mais oui. Moi, je garde pour la fin. D'abord, on fait Antoine. Ah, vas-y. Mais moi, en premier, c'était Scritti Politti, Opati. C'est sympa. C'est très nostalgique. C'est très nostalgique, effectivement. Très bien résumé. Et t'as un truc de la honte? C'est bien coupé, ça m'a aimé. Oui, elle, c'est la tronçonneuse. Je son, allez hop. Ça y est, fini. J'ai pas vraiment. Mais non, mais tu le baisses pas, on peut plus parler. J'ai pas vraiment un truc de la honte parce qu'en fait, du coup, c'est très. Il y a du 180 degrés aussi dans mon top 5 parce que en 2 c'est Dance the Night de Dua Lipa quoi, donc Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Dance the Night, Dua Lipa, yeah. Oh yeah. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et puis dans mon top artiste, là, numéro 1, c'est ma préf. C'est ma préf. Et qui? Mais c'est Carly Rae Jepsen. Ah ouais, quand même. C'est un peu honteux ça, non? Elle a plus rien sorti depuis combien d'années, elle? Elle a sorti un album cette année. Ah, pardon. Pardon, madame. Mais c'est juste pour toi. Non, c'est pas que pour moi. Et si vous voulez tout savoir, Clara Luciani est numéro 4 dans le top. Ah, ça, on ne croit pas, tu vois. Et mais pourtant. Oh la seulement. Vache. Et pourtant. Oh, c'est fou ça. Bon, bah merci. Merci beaucoup pour non, vos non, top. Non, toi. Bah, moi, c'est très simple. Ça, évidemment, vous vous en doutez. Mon number one. Oh mon dieu, quel manque. Tout c'est un décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Et Jadoul? Moi ça m'étonne, j'aurais dit que c'était plutôt Régine. Tu veux ça? Ah, Régine? Bah oui. Bah oui. Ni demain ni jamais. Eh bien non, parce qu'en fait j'écoute ça qu'à la radio. Et en fait ça ne reflète pas ma vie privée. Tu veux savoir quoi, Jadoul? Et c'est en partie à cause, grâce à toi. C'est la musique que tu viens de passer qui est ton numéro 1. Moi c'est mon numéro 3. Régine? Non, non. Régine est numéro 3 chez des toi. Des crescendo. Des crescendo. Ah bah oui, mais en même temps. Oh mon dieu, quel manque. Tout c'est un des crescendo. Et je pense qu'on en a un commun. Oui, moi c'est mon 3e artiste le plus écouté. Bon, ça c'est un peu ringue, hein. J'écoute pas les vieux, mais j'écoute plutôt. Moi aussi. Bon. Et les moins connus aussi, si je peux me permettre. Oui, vas-y, bah, les temps qui courent, c'est bien ça. Et il y a bien un truc de honte là-dedans quand même, Jadoul, s'il te plaît. Alors, c'est pas vraiment de la honte. C'est juste what the fuck, je comprends pas pourquoi mon album numéro 1 cette année, c'est... Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est La Femme. C'est le nom du groupe et En fait, dès que je rentre dans la voiture, il y a ça qui se lance. J'écoute ça. À savoir pourquoi. Et on rappelle qui a fait partie du groupe La Femme? Santa? Non. Clara Luciani? Oui. Ah bah oui. Mais enfin. Bien. La boucle est bouclée. Non, il y avait un vrai truc de honte, Jadoul. Je fais pas ça. Ah bon? Alors moi je l'ai pas. Si. Quoi? Quoi, tu l'as pas mis? Bah non, c'est quoi? Ça doit quoi? Ça... La 4e musique que t'écoutes le oh plus. Non, dis pas. Si. C'est Santa, popcorn salé, on adore. Non. Allez, ça fait 10 minutes là, dis-moi. Mais je sais pas, c'est toi qui connais tes musiques bizarres tout seul. Est-ce que ce serait. Non, je peux pas le dire. Mais moi j'ai dit Pascal Obispo, tu m'as forcé à dire Pascal Obispo, donc t'inquiète pas qu'on va te dire, c'est David. À quoi? David, David fils de Momon. Je ne trouve que du bon, même chez les pires des cons. Quatrième morceau, le mal d'écouter. Ça, je l'écoute en dehors de la radio. D'être bien confortable. Oh mais c'est un banger ce titre. Moi je pensais que t'allais me parler de... Et j'ai crié. Parce que oh Christophe est quand même dans mon classement hein. Oui c'est vrai. Je lui tire les mots bleus. En même temps Christophe a une telle discographie. Bon maintenant qu'on a fait chier tout le monde on peut arrêter. Oui mais comme quoi c'est très marrant à faire avec donc voilà parlez-en autour de vous votre Spotify Wrapped ou votre Apple Music Replay. Et voilà j'avais aussi un dernier truc à dire, c'est que ça permet aussi de voir les grandes tendances musicales de l'année. Et cette année l'artiste la plus écoutée c'est Taylor Swift alors qu'elle n'a rien sorti cette année. Ah oui parce que c'était en 2022 qu'on en avait parlé. Ouais de son la... dernier album ouais. Oh là là, donc Taylor voilà. Swift, hein, attends Swift, tant qu'on joue tout le monde autant qu'elle touche aussi un peu de thune elle. Sorti plein en même temps. En même temps, les artistes qui font un album avec que des hits. Oui. Merci Maëva pour le Spotify Warped et le replay 2023 de Apple Music. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous le partager sur mon Instagram, Jajadoul. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Allez, Madame de Jacquat, elle doit être numéro 1 partout aussi, elle casse Internet, elle. Oui, bah oui. Oui, bah oui. Arrête. I want a shower with you. C'est ce qu'elle... Non, c'est pas ça. Parce que je veux la suivre la musique, moi. L'Institut de la langue anglaise vous souhaite bonsoir. Voilà. Bon, c'est pas ce qu'elle dit, personne veut me dire. Ah, bah, quelle... Ah, pardon, on a refait l'antenne. Mais non, mais je sais pas, tu pars sur des trucs comme ça. Bah, c'est le principe de l'émission, madame. Bon, bref, dans un instant, le FaceTime arrive et on démarrera la deuxième heure avec un peu plus de 20 minutes de retard. Mais c'est comme ça aussi qu'on nous aime, non? Avec nos petits... nos habitudes. Voilà. Bon, Radio Falminoul sera là et les infos qu'il fallait louper cette semaine, ça s'appelle les inflops. Non. Ça n'a rien à voir avec une douche, elle veut juste show ou montrer quelque chose. Ah pardon, tu me parlais de... Doja Cat. Madame Cat. Madame. Oui. Sorry, bah, t'as vu, j'étais déjà partie sur autre chose moi. Mais oui, mais j'avais moi... déjà oublié Doja. Et miaou miaou à tous. Voilà. J'avais déjà oublié Doja. Bon, on arrête là. je vous propose que juste après, on retrouve les inflops, bougez pas. À suivre dans quelques minutes, Mr. Nash et on aura aussi Burna Boy. Merry Christmas! Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que vous riez bêtement, j'ai mais envie de dire? Tu peux juste dire Burna Boy, tu vois, genre non, Burna Boy! Burna Boy! À chaque fois que tu l'annonces, il faut que tu appuies sur le Burn. Non, Burna Boy, enfin tu le dis à l'anglaise, rapide. Mais je mets l'entrain, enfin, vous avez burn. Quelque chose contre les gens qui... Il a des bonnes grosses burnes! Ah, on l'isole, merci. On note 21h21. Super, c'est facile à retenir. Ah, bah. Un futur podcast, hein. Wow, il faudra que ça revienne, ça. Le podcast, c'est quand on isole tous les micros de l'équipe et on les met face à ce qu'ils ont dit et on leur demande alors, t'as vraiment dit ça, connard? Allez, il est temps qu'on fasse notre grand jeu. Le principe est simple, il faut... Ah bah oui, c'est pas le jingle du coup, parce que sinon... Oui. Pourquoi on n'a pas le jingle? Parce qu'avec le jingle, ce n'est pas toi l'animatrice. Ah oui. Tandis que c'est toi l'animatrice cette semaine. Tu veux bien niquer mes lancements, s'il te plaît? Allez, on y retourne. Vous allez jouer en trois manches. Le but est de découvrir une star qui se cache derrière les trois sons qui vont vous aider à deviner celle-ci. Si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à appuyer sur votre buzzer. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est pas mal. Votre buzzer. Je te mets un 5,5, franchement, par rapport au gars qui... Enfin... La voix off. Ah oui. Fait super bien, vous avez... C'est pas allez, mal. Allez. C'est pas grave, vas-y. Bon, je prends la place de Kix et j'essaye de faire ça le mieux possible. Voilà, merci. Il m'a donné les clés, c'est parti. Tu peux lancer le premier extrait? Oui, attends, on va d'abord tester tous nos buzzers. Ah oui, vas-y. Antoine, vas-y. Antoine. Merci. Ok, bah alors on est bon. Vous êtes prêts? Vas-y. Oui. C'est parti. Première personnalité. Permettez, je voudrais dire que limiter. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis là et que je m'ennuie en tant que bêtise. Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je parle pas pour vous, monsieur Mitterrand, parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurais pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. Daniel Balavoine ? Oh waouh ! Mais non ! Mais si ! Waouh ! Mais si ! Content je suis. Mais du coup, un point pour Antoine. Attends, bon, on entend quand même deux. Oui, oui. Le deuxième extrait, normalement, c'était. Fatigué, abandonne et s'enfonce dans le ciel. C'est une reprise d'une de ses chansons. D'accord. Et la troisième. Chauffe la pina. Une autre reprise de ses chansons. On le laisse là, elle était bien. Ah, pardon. Bah oui. Chauffe la pina. Laisse vivre les sons. On j'accroute et n'en laisse pas. Ce serait un scandale de faire ça. Oui, c'est un scandale de faire ça, je confirme. La pizza. La pizza. C'est pas toi qui as dit qu'elle avait envie de commander des pizzas. Ah si si, j'ai envie d'une pizza là, c'est horrible. C'est une pizzeria qui nous écoute. Hein. On y va, deuxième manche. Dans une espèce d'une manière romantique comme ça, quand j'étais petit, j'avais 12, 13, 14, 15, je me disais je vivrais bien dans une grotte tout seul. Ah, c'était le premier extrait de la deuxième personnalité. Là on trouve pas, je pense que tu peux passer au deuxième. Vas-y, je passe au deuxième, ouais. Allez. Jimmy déforme et tu pleures. Souchon ? Oui, bah oui, bah oui, pourquoi il l'a mis en... Donc on peut arrêter le jeu là, puisque quoi qu'il arrive... Bah non, pour l'honneur, bats-toi, enfin je sais pas. J'essaie, on écoute, bah même, on écoute le troisième extrait. Antoine a 2 points, j'en ai 1. Ah, c'est drôle, vas-y, vas-y, laisse-le. T'es chaîné, Kix. Laisse les sons. Dans un torrent libéral. Oh là là, engagé. Le noyant sous les pratiques. Que des choses bien commerciales. Oh, c'est sympa. Magnifique. Bon, pour l'honneur. Ouais, vas-y, dernière manche pour l'honneur. Dernière personnalité, premier extrait. Pourquoi du comment je me suis fait refaire les boobs? Pourquoi du comment, à quelle heure, bref. Donc, pourquoi je me suis fait refaire les seins, alias je n'ai pas de silicone dans mes boobs? Ça a le mérite d'être clair. Ouais, pensez faux seins, du coup, j'ai l'impression. Ouais, mais là, si on te balance des noms, on va vexer des gens, donc vas-y. Un deuxième extrait. Tu vas voir ton maillot. C'est déjà donné. Non, mais pas celui-là, le rouge. Le rouge. Celui de ta femme. Deux. C'est con. Oh, alors là, j'ai non, pas du tout. Non. Non, vraiment rien vous... non. Non, vraiment rien, je fais pas semblant, j'ai rien. Okay. Non, vraiment que d'elle. Le dernier extrait. Ah, j'adoule pour l'honneur. Pamela Anderson. Oui. Ah, ah. Ça fait donc 2 points pour Antoine et 1 point pour Jadoul. Ouais, on a compris, c'est Antoine qui gagne, quoi. Oui. Ah bah c'est super. Complotiste. Théorie du complot. Non, on va mettre une musique de victoire différente. Angélique. Allez. Deuxième heure qui démarre juste après ça. Dès 20h, c'est avec Jadoul. Merci, le Père Noël est une ordure, hein, présent partout évidemment. Mister Nash, c'est maintenant. Burn a Boy après, je l'ai bien dit. Bonsoir, c'est Mère Noël. Après avoir accroché quelques boules au sapin et enfourné une belle bûche, je déclare ouverte la deuxième heure. C'est tout, Mère Noël, parce que là, tu nous as mis l'eau à la bouche, on en veut encore. Tu sais quoi demander au Père Noël ? Ouais. Moi, je demande tout ce que tu veux. Mais écris ta lettre, je la lirai. Et je la mets où? Ton cul. Merry Christmas. C'est la trappe. Dès 20h, c'est Jadoul sur KFM. Le respect est définitivement mort dans cette émission. J'en connais une qui va se faire sonner les cloches, dis donc. Ah bah alors là, mais dis donc. Dommage que j'ai pas une cloche sous la main. Ah, tain, tain. C'est joli ce bison. Ouais, merci madame. Je me suis étouffée en le disant. C'est vrai? Quoi, tu veux nous refaire un peu vers Noël ou ça se passe comment? Ah, ok, d'accord, il me semblait bien. Je vous propose que l'on fasse maintenant notre séquence inflop. Le principe est simple, on regarde tout ce qu'il fallait louper dans l'actualité ces 7 derniers jours. Allez, on y va. Il avait été prévu en octobre, mais il avait été annulé à cause de la météo. Le concours du plus long tacos de France. Alors, il a bien eu lieu mercredi dernier à Alès. Le résultat, un tacos qui mesurait 10 mètres de long. Rien que ça. 10 mètres de tacos. Ça donne faim. Mais il faut une bouche de quelle taille? Mais il faut picorer comme un, je sais pas. Moi, je pense que Tatiana Silva n'arriverait pas à le manger. À côté de ça, l'air de rien, le taco que j'ai commandé sur Uber Eats, je peux légèrement lui dire... Deuxième info, un grand nombre de rennes ont été bloquées sur un axe routier dimanche après-midi dans le Suffolk. Suffolk. En Angleterre, excusez-moi, je suis inculte. Provoquant de longs ralentissements, la police locale a fermé toute la route et a tenté d'attraper les animaux. Alors déjà, la scène est incroyable. Avant de se rendre compte qu'ils ont quitté les lieux pas moins de 2 heures plus tard. Oui. À moins de 2 semaines de la nuit de Noël. C'est pas le moment pour le Père Noël de laisser s'échapper son moyen de transport. Même lui, il a dû se dire... La vie ne fait pas de cadeaux. Et il a rajouté juste derrière un petit peu de frustration. Ah. Ce qui ne ressemble pas au Père Noël. Dernière info. Pour écrire son livre appelé Clean the Science of Skin, qui se traduit propre, la nouvelle science de la peau, le médecin James Hamblin n'a pas pris douche pendant 5 ans. Oh mon dieu. 5 ans sans douche. Oh. Déjà moi, 3 jours sans douche, voilà, on m'oublie. Alors selon lui, nous nous lavons beaucoup trop au détriment de notre santé. Ce qui n'est pas faux, hein, on se lave un peu trop, on abîme nos peaux, on a l'épiderme, tout ça, bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais d'après ses calculs, si vous passez une demi-heure à vous doucher et à appliquer des produits tous les jours sur vous, vous consacrerez plus de 2 ans de votre vie à des activités liées à la toilette. Moi, si tu fais ça x2 au moins. Ouais, bah oui. Bah Eva, il faut qu'on en parle. Quoi? Juste après. D'abord, ce gars, peut-être que ce médecin James a une meilleure santé, peut-être qu'il a plus de temps libre, mais je pense qu'il tente d'approcher qui que ce soit avec son odeur. Tout le monde lui dira. Une odeur de 5 ans, ça, je veux pas la sentir. Mais attends, bah Eva, il faut qu'on en parle. Quoi? J'ai cru que t'avais été piraté. Oh non! Mais si, j'ai cru que t'avais été victime d'un piratage. Moi, je me suis inquiété, j'ai envoyé des captures d'écran, je dis regarde ce qu'ils écrivent à ta place sur ton compte. En fait, Maëva a spammé, il faut qu'on le dise, a spammé un compte Sephora en taguant toute la radio, tout le monde, tous ses contacts, toute sa famille, même des gens qu'elle connaît pas. Si. Pour gagner quoi? Mais 1000 euros de bons cadeaux chez Sephora. Enfin, non, il y avait des coffrets cadeaux pour une valeur de 1000 euros chez Sephora. C'est 1000 euros de cadeaux chez Sephora. C'est génial. Waouh. Et donc, du coup, il disait qu'à chaque fois qu'on commentait en identifiant quelqu'un, on avait une chance en plus de participer. Et je ne participe jamais à des concours. Je vous emmerde jamais en vous identifiant. Non, c'est la première fois, arrête. Celui-là, j'avais vraiment envie de le faire, donc j'ai identifié tout le monde. Mais je mettais parfois un petit commentaire en disant désolé, je veux vraiment gagner. Ou dès que j'identifiais quelqu'un. T'as vu passer le type chez Brittany ou. Mais oui, Brittany, notre influenceuse, à mon avis, elle t'a refilé le truc. Mais ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Bon, est-ce que t'as gagné? Mais c'est pas encore fini. Bon, bah, affaire à suivre. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Qu'est-ce qu'on écoute? De Noël. Mais non, oh, quelle petite celle-là! Ça fait 3 fois ce soir! Oui, mais... Burna Boy! Encore? Mais non, on l'a pas encore joué, s'il te plaît! Mais non, mais encore, tu le dis comme ça! Pardon? Burna Boy! City Boys! Burna Boy! Burna Boy! Boy! Girls in my crib! I'm a sexy, you understand? Tout à fait! Girl all over the globe, wanna hug him, you understand? Bien sûr. Il est temps que j'ouvre mon calendrier de Noël, si vous voulez bien. Bah oui, hein, je n'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Bah oui, mais moi j'ai pas pris le mien ici, donc c'est pas très gentil. Alors bah chacun s'est pris. On est le combien? On est le 6, bah ça, Nicolas. Je vais délicatement essayer Mais quel enfant. Ah, c'est dur. Et à la fin, il va péter son micro. Il faut avoir des super longs ongles. Ah, ça y est. Oh merde, j'ai pété 3 cases au moins. Bravo! Oh, j'ai à l'intérieur de mon calendrier de l'Avent pour le 6 décembre un chocobon. Oh, je suis heureux. Oh, et je le partagerai pas. Il est pour moi. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ah, bah tiens, Maëva, je vais te laisser annoncer ce qui arrive là. Bah, parce que c'est quand même une séquence culte. Il est 21h37, l'heure de d'écouter Radio Famille. Oh non, comment j'ai pu louper ça? Ouais, mais ça va. Ah, c'était ta dernière là aujourd'hui. Hein. Ouais, bah oui, je sais. Oui, oui, oui. Je vais remballer mon. Mais c'est même pas mon casque, c'est celui de Kix. Bon, laisse tomber. Bref, Radio Falminioul, ils ont pas d'argent, on leur prête un émetteur. Les voici sur l'antenne et on retrouve nos deux amis, Guy et René, c'est ça? Oui, oui. Oui, bah, oui. Moi, je dis pas ça, je dis juste. Let's go. Avec des bafouilles. Non, sans bafouilles d'habitude. Ouais, c'est ça. Allez, on écoute Radio Falminioul tout de suite. Merci de nous avoir choisis. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont fait leur vaccin. Veuillez nous excuser pour ces quelques minutes de retard, mais nous venons tout juste de rentrer de notre vaccination. Et oui, désormais nous sommes protégés de tous les petits maladies qui volent. Bouh, les maladies, bouh, je ne crains plus rien, je suis indestructible. Je peux même lécher le micro. Oh bah merde, il est pas vacciné contre la connerie, lui. Oh, je te prie de bien vouloir rester poli, mon vieux. Nous sommes en direct, je te rappelle. On ne fait pas de scène devant les gens. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quel est le programme musical de ce jour, mon Guy? On démarre avec Renaud, toujours debout. Oh, très bon choix, ça, mon Guy. Allez, on écoute. Guy, t'as pensé à regarder quels étaient les effets secondaires du vaccin? Ben non, pourquoi? Eh bien, parce que j'ai les bras qui... Ah bah, si j'enlève mes manches, j'ai tout le bras qui devient tout bleu. Regarde, je suis obligé de les balancer pour atteindre la console de mixage. Maintenant que tu le dis, j'ai l'impression de perdre la vue. Ah, ah. Et tire tes doigts de mon visage. Oh, pardon. Oh, et je commence à avoir soif, moi. Guy, tu ne veux pas aller me chercher une bouteille de jus de fruits? À quoi? Aux fruits. Toi qui as encore l'usage de tes bras, je vais essayer de te guider jusqu'à la porte. D'accord. Debout, Guy. Allez, debout. Va chercher, mon Guy. Ah, ah, ah, va chercher. Il va l'éleveur de bétail manchot, là. Oh, excuse-moi, j'ai toujours voulu faire ça. Allez, bon, va tout droit. Tourne à gauche. À gauche, Guy. Non, ça, c'est la droite. À gauche. Bien, et maintenant, tu bifurques sur ta droite. Vas-y, bifurque. Bifurque encore. Allez, bifurque! Tu viens de me faire faire un demi-tour sur moi-même, là où c'est moi qui perds la tête? Oui, je trouve ça drôle! Allez, fais quatre pas en avant et t'es à la porte, et après, y'a plus qu'à avancer deux pas sur ta droite et tu seras à côté du meuble du couloir, normalement. Ah oui! Ah oui! Ah, je l'ai! C'est bon, j'ai mémorisé le chemin, je reviens tout seul! Oh, bah, ses sens se développent rapidement! Voilà! Tiens, mon René! Ah oui! Zut, t'as plus de bras! Ouvre ton bec! Doucement. Oh, t'en fous partout. Je suis trempé. J'en ai partout. Non, stop, Guy. Tu t'es trompé. C'est ton test d'urine. Oh, ils disent qu'il est fini, ils m'évitent quelque chose à l'antenne. Mais je vois plus rien. Là, c'est tout flou, maintenant je vois vraiment plus rien. Allez, on sort le disque de secours. Là, voilà, là c'est bon. Oh, le boucan. Oh, le con. Ah, là, je sens un gros bouton. La vie comme une fête foraine. Attends, je cherche encore, alors, mais... Ah là là, je sens un gros bouton. J'appuie. Tu touches mon dos. Aïe, ça fait mal. Oh, il a pété dans mon doigt. Là, voilà, là c'est bon. Guy, profite du peu de temps qu'il te reste à vivre. Tu viens de couper l'alimentation générale de la radio. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. À bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Ou pas. Ou pas. tant de talent. Je propose qu'on les retrouve peut-être la semaine prochaine, mais encore à la limite. On aura le bar de Jean-Michel qui va ouvrir ses portes d'ici quelques instants. On va se connecter à notre ivrogne préféré. Il a peut-être entendu des choses à son comptoir cette semaine. On va découvrir tout ça juste après le Fallait nous le dire plus tôt, Maëva. Oui. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'époux. Ah. Ils ont une d'Apu. C'est Apu le personnage des Simpsons. Non, les poux qu'on a dans, qui sont dans les cheveux là, qui grattent, c'est dégueulasse. Une vraie soirée charmante qu'on passe ce soir. Oui, vraiment. Et ben, ils ont une petite particularité physique qui fait bien sourire. Laquelle? Voilà. Ça c'est bien amené. Voilà. On peut déjà chercher un peu? Oui, vas-y, essaye. Est-ce que eux, ils ont un sourire? Moi, je souris aussi. Non, mais imagine le petit poux, il sourit. Ah, je suis content. Non. C'est pas au niveau du visage. Je sais même pas à quoi ça ressemble un poule. Je sais pas non plus, non. Non. Aucune idée. Voilà. Eh bien, c'était très bien. Si vous avez une idée de l'autre côté de la radio, n'hésitez pas. Hein, sur mon Instagram, Jajadoul, vous pouvez me dire quelle est la particularité incroyable des poux. Vous serez peut-être plus fort que nous. Waouh, Jadoul et son équipe dans la trappe. Voici le premier cœur de Caris. Et juste après, on aura la réponse. Pourquoi les poux sont moches? Non, pourquoi les moches sont poux? Hop. Pourquoi les poux ont une particularité? Ouais, c'est ça. C'est très... L'ambiance est bonne. Elle sera encore meilleure quand vous aurez cette info. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec Jadoul dans la trappe sur KIF. On se concentre. Il est l'heure de faire notre Fallait nous le dire plus tôt. Pourquoi les poux sautent... Non. Quelle est la particularité physique des poux? Alors, premier... Ils sont petits. Mais non, il y en a une... Non, un truc spécial. Alors, premier indice, c'est que chez les mâles. Que chez les poux mâles. Ils ont un énorme pouvoir de... Séduction. Séduction. Non. Bah, c'est que chez les mâles. C'est que chez les mâles, oui, cette particularité physique. Des antennes? Ils ont des émotions. Non. Non, c'est pas physique, ça. Ah, c'est physique. Oui, c'est quelque... Enfin, c'est lié au sexe? Oui. Ah bah voilà, ouais, moi je me retiens depuis tout à l'heure. C'est vraiment ça. Ils ont un gros zizi? Non. Ils ont comme les femmes? De quoi? Ils ont comme les femmes. C'est-à-dire? Bah au lieu d'être... Non, je sais pas où tu veux en venir, mais non, je pense d'accord. Pas. Bon, mais c'est sexu, c'est au niveau du sexe du poux masculin. Oui, c'est ça. Il est perforateur. C'est-à-dire? Comme les chats. C'est quoi? Bah, les chats ont un sexe perforant. C'est-à-dire? Renseignez-vous, il y a un peu de culture. Je savais pas. Bah voilà. Non, mais je le ferai dans un fallait nous le dire plutôt. Un autre, ouais. C'est quelque chose, c'est un attrait, enfin, c'est quelque chose qu'ils ont en double. Bon là, les gars. Ils ont une double tub. Non, autre chose. Non, ils ont une double paire de testicules, voilà. Oh, c'est j'allais le dire, c'est le deuxième que j'allais sortir. Oui, de toute mais façon. C'était l'un ou l'autre, j'ai envie de te dire. Oh, et que c'est frais. Pourquoi on a si vite des poux? Je veux dire, du jour au lendemain, on passe de 10 à 100 d'un coup. C'est parce que ça leur permet de se reproduire avec plus de 20 femelles à la suite, non-stop. Il n'y a pas de repos. Wow. Pendant 4 heures, le poux, il peut non-stop, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ah, c'est ça qu'on m'a dit que j'ai une tête de poux. Antoine ne servait pas de la... Antoine est mort. Mais non, mais... La prochaine fois que vous avez... Ah, oh, mon petit cousin qui vit, oh, j'ai des poux. Ah, mais tu sais qu'ils ont une double paire de testicules. Ah, bah ça, c'est une chouette info. Surtout au repas de Noël. Surtout au repas de Noël. Wow. Noël. Tu savais que les poux... Mais voilà. Surtout que dans les écoles de ces temps-ci, il y en a de partout, donc il y a vraiment de quoi faire un bon sujet de conversation. Double ne me remerciez pas. Qu'est-ce qu'il y a partout dans les écoles? Des poux. Ah oui. Ah ouais, non, mais toutes les écoles reçoivent les lettres. Attention, ils sont de retour. Ils sont de retour. Voilà. Ils sont tous dans les campagnes. Dans les campagnes. Bon, tout ça pour dire que... Bah, surtout entre poux. Les bon. Quatre... Ceci était un titre extrait du classement des trucs les plus écoutés chez Antoine sur son Spotify. Oui, bien sûr. Heures, c'est Jadoul sur KIF. On est méga à la bourre, hein. Là, il faut qu'on avance. Allez, hop là. Voici Us l'enfoiré. A-t-il lui aussi une double? Laissez tomber. Le bar de Jean-Michel va ouvrir ses portes d'ici quelques minutes et Antoine va aussi nous parler, pas de ça, mais de Threads, le nouveau Twitter. Une chose est sûre, c'est que l'ambiance est bonne ce soir. 21h52, on a encore plein de choses à faire. Oh. Je sais vraiment pas comment on va tout rentrer. Ouais, je sais pas non plus. On va devoir sauter des trucs. Oh. Oui, ça va. Hein. Un public familial on cible. D'accord. Oui, oui. Merci. qu'est-ce qu'on allait faire? Ah oui, bah démarrer une nouvelle séquence, hein, sinon ça n'a plus d'intérêt. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul sur KIF. Eh bien voilà, merci Simone. Faut que je m'y fasse à ces nouveaux jingles de Noël. Je vous propose que l'on se connecte à notre ivrogne préféré. En fait, il tient un bistrot cette saison et il s'appelle Jean-Michel. Il nous témoigne de ce qu'il entend à son bar. On va essayer de se connecter à lui, on va ouvrir son micro. En espérant. Voilà, enfin, déjà il y a du bruit, donc ça veut dire qu'il n'est pas très loin. Jean-Michel! Jean-Michel, est-ce que vous êtes là? Oh, oh, oh, je suis le Père Noël. Quand tu étais sage cette année. Si c'était un non, je te mettrais de la pâte dans tes chaussures. En revanche, si c'est un oui, alors tu aurais un bon casier de bière fraîchement brassé et confectionné par les plus grands artisans du pays. C'est bon, Jean-Michel, on vous a reconnu. Alors comment ça va, Jean-Michel? Mais voyons, qu'est-ce qui te fait dire cela, mon enfant? Mais votre voix, évidemment, vous avez une voix atypique, Jean-Michel. Et flûte. Bon, bah, je vais essayer de m'améliorer. J'ai promis à maman Nick que le Père Noël viendrait en personne le 24 décembre au bistrot. Bon, tu penses bien, je n'ai pas les moyens d'inviter le vrai Père Noël. Bon, malgré son âge, maman Nick y croit toujours, donc je ne peux pas la décevoir. D'ailleurs, pour lui faire encore plus plaisir, j'ai proposé qu'elle aille elle-même le chercher en voiture. Oh, bah c'est gentil ça, Jean-Michel, mais elle ne vous a jamais vu déposer les cadeaux sous le sapin? J'ai entendu dire que pour un Noël plus écologique, des gens ont inventé un atelier spécial avec de la décoration en papier recyclé. Je me suis dit que je pouvais faire pareil pour décorer mon bistrot. Voici donc le tuto de Jean-Mi pour créer un flocon de neige en papier et musique. Pour créer un flocon de neige, il nous faut du papier et des ciseaux. Couper la feuille de papier en une forme carrée. Ensuite, plier-la en deux, suivant le sens de sa diagonale. Et puis, couper en demi-cercle et replier-la encore en deux. Non, mais allez, arrêtez. Oh merde, attendez, stoppez tout. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Michel? C'est-à-dire que je viens de me rendre compte que la feuille dans laquelle j'ai découpé, c'était le permis de conduire de mon Nick. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais trouver comme excuse maintenant? Elle a quand même un vieux permis de conduire, là, mais vous êtes incroyable quand même. Débrouillez-vous maintenant, hein, on se dédouane de toute responsabilité, nous. Oh mon Dieu, Jadoul, voilà mon Nick qui arrive. Qu'est-ce que je vais lui dire comme excuse, moi? Qu'est-ce qu'il y a, mon Nick? Qui a découpé dans tes papiers? Non, je le savais, Jadoul, je le savais qu'elle allait me poser la question, hein. Bon, c'est peut-être un enfant qui est jaloux parce que tu vas chercher le Père Noël. Tout le monde n'a pas la chance d'aller chercher le Père Noël, mon Nick. C'est vrai, ça. Hein? Ouais. Tu penses que c'est moi? Oui, c'est peut-être moi, oui. Oui, c'est peut-être moi. Effectivement. Bon, ben, Jadoul, je vais te laisser, hein. Oui. Je pense que mon Nick va me faire manger de la neige. Allez, à plus, hein, Jadoul. Oui. Des bisous Jean-Michel, à bientôt. Décidément, Jean-Michel déjà a une voix très aiguë quand il est face à Monique en colère. Et il ne manque pas une occasion pour faire des conneries. Et on l'aime comme ça, c'est notre Jean-Michel national et on l'embrasse bien bien fort. Dès 20h, c'est Jadoul. Laisse-moi. Comme dirait Jean-Michel à Monique. Voici que Black, bienvenue. Je suis rentré. Ouais, laisse-moi, c'est le principe, hein. Là il est parti. Et 50 secondes d'instru. Il s'est quand même justifié que le Black il a dit qu'il avait mis un couplet, puis finalement quand ils auraient écouté le truc ils ont dit on va le retirer, mais ils ont laissé l'instru. Bah il a dit laisse-moi. Ouais, il s'est cassé, hein. Ça prend bien son nom, bah voilà. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Antoine. Ah bah non. Jean-Michel. Non, Antoine, on a besoin de toi parce qu'il nous faut des nouvelles de ce fameux potentiel nouveau Twitter. Oui, alors il existe déjà Threads. Alors, rappel des épisodes précédents, si vous n'avez pas suivi, que Twitter est devenu X et donc des gens sont à la recherche d'alternatives parce que X est en train de partir un petit peu dans tous les sens. Ah bon ? Alors oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs alternatives. Il y a Mastodon, une alternative décentralisée. Il y a Blue Sky qu'on avait dont on avait parlé il y a quelques temps. Réécouter l'émission en podcast. On avait parlé il y a quelques semaines de ça de Blue Sky. Et puis il y a donc Threads, qui est le Twitter, le X d'Instagram, de Meta, de Mark Zuckerberg. Globalement, on a à peu près le même fonctionnement que X. On a une timeline, on a des notifications, on a un moteur de recherche, on a un profil. C'est la meilleure version Meta. Sauf qu'il y a un petit mais, c'est qu'on n'y a pas accès depuis l'Union Européenne. Mais ça fait un moment. Okay, mais je crois que c'est un problème légal. C'est un problème légal, tout à fait. Alors, effectivement, Threads a été lancé au printemps, début de l'été, par là-bas. Sauf que dans l'Union Européenne, ça coince à cause de trois lettres. Le DSA, le Digital Services Act, qui fait que tout ce qui est censé être illégal dans la vraie vie est illégal aussi sur Internet. Voilà, en gros, c'est ça le DSA. C'est pointu. Et en gros, Meta doit se conformer à cette législation, ça leur plaît pas tout à fait, et voilà, ils essayent de faire en sorte que ça passe bien pour eux. Alors, au tout début, on pouvait télécharger l'application en passant par le store américain d'Apple ou de Google, ça fonctionnait, on pouvait accéder au compte Threads. Voilà, peut-être pas en wallon, mais en tout cas en français, ça fonctionnait très bien. Ça a été bloqué à la mi-juillet. Oh. Moi, j'étais en pleine vacances, j'étais dans une contrée très lointaine. Mais t'es un petit filou, toi. C'est-à-dire la France. J'essayais de me connecter au truc et ça s'est bloqué du jour au lendemain. Et Meta a confirmé qu'ils ont dû bloquer parce que pas d'accord avec la législation européenne. Mais maintenant, Threads devrait être accessible avant la fin de l'année en Europe. C'est ce qu'a annoncé le Wall Street Journal. Alors, il y a donc toute une série de conformations qui a dû être faite avec l'Europe, comme la possibilité de supprimer son compte Instagram ou Threads indépendamment. Parce que avant, tu supprimais ton compte Threads, et ton compte Instagram, il était flingué par la même occasion. Ah, putain, il faut le savoir, ça. Voilà, donc ça c'est aussi une demande de l'Europe, c'est aussi la volonté de faire en sorte que Instagram n'est pas soit pas omnipotent, n'est pas un abus de position dominante, je cherchais les mots. Donc on va pouvoir avoir les deux comptes séparés et aussi pouvoir accéder à la plateforme sans devoir se créer un compte Threads, parce que jusqu'à présent il fallait un compte pour pouvoir accéder. Hermétique, là maintenant ce sera un peu ouvert. Voilà, et ici dans un article que on peut trouver chez nos confrères de la RTBF, mais ils estiment qu'on devrait y avoir 40 millions de potentiels nouveaux utilisateurs dans les mois qui viennent avec l'arrivée comme ça de Threads. Ah ouais. Ce qui contraste pas mal avec le fait que quelques semaines après son lancement officiellement aux États-Unis, il y avait déjà moins 20% d'utilisateurs. Voilà. Donc là, gros coup qui fait mal. Donc on espère pour eux que ça va se remplumer un petit peu et peut-être qu'il va y avoir une vague de migration de X vers Threads. Ah. Ça c'est ouais. Déjà il faudra réussir à prononcer Threads. Threads. Ouais. Bah, ça va être thread. Moi je vais dire thread. Thread. Moi je suis un. Tu sais pas, tu dois le dire à la France. Enfin je sais pas. Quand mais j'arrive dis, pas, j'ai pas d'accent anglais. Tu veux bien m'ajouter sur thread. Mais imagine-les tous là. Thread. Bon laisse tomber. Les threadlock. Thread arrive bientôt. Thread arrive bientôt normalement. Très bien. Eh bien on retient tout ça. Et le télétexte. Et toujours vivant. Très bien. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Voici le dernier gazo. Il est très court, faut vite l'écouter. Je vous ai dit qu'il était très court. Ah, c'est déjà la fin du titre. Merci, gazo. Oh non, pardon, il y en avait encore. Dans mon récent, des vies amiatiques, des vœux des chances. En ce moment, c'est sans calcul. Voilà. Là, normalement, il n'y en a plus. De toute façon, le fichier est fini, donc. Tu l'as pas respecté. C'est Jadoul sur KIF. Ah, ça va. Il m'en voudra pas. S'il savait dans quoi il était diffusé, Gazo aussi. Allez, je vous propose qu'on se connecte à notre Instagrammeuse influenceuse. Ah. Bah oui, elle est quand même là, Brittany. Elle nous fait des stories, mais que pour nous, on a l'impression, parce qu'on la voit pas percer ailleurs que dans notre émission. Mais on l'aime quand même. Elle est maline pour ce qu'elle veut. Je vous propose qu'on découvre les aventures qu'elle a vécues cette semaine. Coucou mes nini, c'est Brittany. Aujourd'hui, ça y est, on est le mois de décembre. On va pouvoir ouvrir avec vous mon calendrier de l'Avent Noël en fait. Alors, je vous avais demandé dans une autre story de me dire lesquels que vous vouliez que je prenne comme calendrier de l'Avent Noël. Et vous m'avez demandé le Sephora, le Dior, le Maybelline, le L'Oréal et plein d'autres encore. Du coup, moi, j'ai pris le calendrier de l'Avent Action à 9,99€. Je l'ai vu. Bah quoi? J'ai fait en fonction de mes thunes et des partenariats en fait. Sauf que aucune marque, ils m'en ont envoyé des calendriers de l'Avent Noël. Vraiment des rats, quoi. Enfin, à part le Tom & Co de Châtelineau avec une carte marquée en soutien à Chanel, mon chihuahua dont je suis allergique et qui fait que me grogner en fait. Donc, Chanel vous remercie, le Tom & Co de Châtelineau. Ouf. Bref. On commence sans plus attendre avec la première case. On peut dire j'ai une case en moi, lol. Alors, on a un body lotion, ça veut dire corps lotion en anglais. Je pense que c'est pour le corps. Trop contente. Ensuite, mes vies. La musique est folle. Alors, c'est un gel douche. Wesh, le calendrier, la truc, je me l'avais pas en fit. Oh, ça a la vanille. Attendez, attendez, je goûte. Mais pourquoi? Ah ouais, ouais, ça a bien le goût de vanille. C'est pas pour les chiens? Et de savon. Suivante. C'est quoi? On dirait genre un filet, mais en boule. C'est peut-être pour pêcher, je sais pas. Je pensais que c'était un calendrier de l'avant-beauté. Attendez, je lis sur le papier. Fleur de douche. Oh. Vous pensez que je dois mettre dans un pot avec de la terre? Parce que moi, j'ai pas trop la main ouverte, en fait, pour le jardinage. Oh, mais... Bref, on continue. Alors, c'est un bonnet avec des petites étoiles dorées. C'est en plastique et c'est marqué « shower ». Je sais pas trop à quoi je vais le porter par contre. Ça pourrait être joli avec ma petite jupe à carreaux. Ça ferait un style anglaise ben, comme en Amérique. Ensuite, c'est quoi? C'est une espèce de bière mais blanche et pas trop dure. C'est marqué soap, soap. C'est peut-être un bonbon. Attendez, je goûte. Oh non. Ça a le goût de savon, j'adore. Que le tropico. Body butter. Genre, je vais pas mettre du beurre sur mon corps en fait. Je suis pas un sandwich au jambon, wesh. Et une dernière case. Une décrime. Ah, ça veut dire crème de jour en anglais. Oh, trop dommage, j'aurais trop voulu tester, mais je peux pas, on est le soir. Voilà, Minini, j'espère que ça vous a plu. Franchement, je trouve pour 9,99€, ça vaut trop le coup. Alors foncez, il y a des produits beauté, il y a des plantes, il y a même de quoi manger. Par contre, les autres marques, vous pouvez aller manger vos morts. Enfin, n'hésitez pas à envoyer des cadeaux et des partenariats quand même. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'astuces beauté. Bisous et cœur avec les doigts. Alors c'est jamais le bon plan de aller envoyer se faire foutre les autres marques parce qu'on sait jamais. Mais elle réclame quand même après les cadeaux quoi. Oh non, elle est cinglée hein, cette Maëva. Pardon. Cette Brittany, pardon. Mais ne nous confonds pas. Ah, bah, excuse-moi. C'est le jour et la nuit. Oui, je te regardais parce qu'on va passer à ta séquence préférée maintenant. Ah. Music Machine. Non, la petite fessée. Non, je faisais. C'est effectivement non, ça, c'est la après. Music Machine. C'est ouais, bon. Quand les vous êtes tous prêts à chanter? Et que personne réponde à ma question. Oui. Merci, c'est gentil. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Mais Maëva, ça va? Maëva. C'est la fin d'émission, on l'a perdu. Elle s'est envolée. Il a fallu la retenir par le pied. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! J'adore les effets micro. Oh, c'était très très bien. Je vous propose de découvrir titre artiste. Tous nos interprètes ce soir viennent de TikTok. À vous de découvrir les vrais gens qui chantent derrière. Comme c'est les fêtes, on va mettre plein de bonne humeur avec les titres que vous allez entendre ce soir. Antoine, tu joues contre Maëva et inversement. Aïe. Vous êtes prêts? Oui. Je veux que ça se fight là. Hein. Oh, ouais. Allez. Oh là. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est réenvolé. Elle fait des envolées, c'est incroyable. Maëva, salut. Salut. Allez, merci. On y va, voici le premier extrait. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Ah, c'est bien pour les fêtes, c'était la bonne humeur. Je serai de retour, le printemps c'est joli. Pour se parler d'amour, nous irons voir ensemble. Personne ne l'a? Non. Et nous ah, moi je misais sur Antoine, sur cette réponse, je misais sur Antoine. Audi, quand reviendras-tu? Quand reviendras-tu? Dis quand reviendras-tu, évidemment c'est... Barbara. Hein? Oh ouais. Oh ouais, ça va. Je l'avais pas. La version TikTok. Quand reviendras-tu? On dirait qu'il casse sa guitare. Ouais. Quand reviendras-tu? Oh, il y a des notes qui passent pas. Jusqu'au bout. Allez, parfait. parfait. Bon, personne ne l'a. On peut déjà passer à la deuxième manche. Concentrez-vous. Ça, ça devrait aller très vite. Ah, je suis pas sur la bonne page, excusez-moi. Allô ? Pourrais-je jouer faux héros au milieu des fleurs. Dernier jour du disco. Non. Partir à zéro pour un supplémentaire. Je pourrais te regarder. Popcorn salé. De qui ? Santa, bien sûr. Allez, viens. Je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. On pouvait pas ne pas la trouver, Jadoul. Ah oui, non. Je saoule tout le monde avec ça. Non. Quand je mets ce titre en studio, les murs tremblent, tu confirmes ? Oui, même dans les pièces d'à côté, je ne citerai pas le nom de certaines pièces où on l'entend très fort. Les toilettes. L'eau des toilettes vibre tellement je mets fort le en papier studio. Bah oui. Ondule. Et même les radios d'à côté sont pas contentes. Version TikTok. Allez viens, je t'emmène loin. Pardon, on y va. C'est le point pour tout le monde. Oui. Égalité parfaite, on y va. Troisième manche. James Blunt. Ok. Quel est le titre ? You're Beautiful. Bonne réponse. You're beautiful. Ah, l'égalité. On va aller jusqu'au bout, l'égalité. You're beautiful, it's true. Et meurs pas, Antoine, hein ? On va essayer. On écoute la version TikTok. You're beautiful. Waouh. Mais tu meurs ? Je meurs en direct. Pardon. Toujours égalité. Oui, de partout. Mais oui. On va se départager sur la quatrième manche. Vraiment des chansons joyeuses aujourd'hui. Hein. Encore une fois. Oh, ça fait deux semaines là. Allez, Maëva, on se concentre. Ah, ça m'énerve, j'arrive pas à écouter. Je me tais. Bah trop tard. Trop tard. John Legend. Ouais. All of Me, John Legend. T'es reposant. Ah c'est super, et vraiment la version TikTok. All of me. On a eu pire. On a eu bon. Cards on the table with both showing hearts. Elle continue à cap, hein. Risking it all with heart. Allez, bon, bah, on continue, hein. On est toujours à égalité, deux partout. Dernière manche, tout va se jouer là-dessus. Une fille. Ah non, je peux pas. Je vous mets l'autre. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sapin, gin and juice. Laying underneath the palm trees. Cathy Perry. Oui. J'ai dit premier. Break the necks. Personne sait le titre. California Girls. Bonne réponse. Oh non. J'ai dit en premier Cathy Perry. Est-ce qu'on peut écouter la version TikTok juste pour le plaisir? Ils font la cuisine derrière, ils s'en foutent. Non mais franchement, elle a un grain de voix. Ah, y a une ambulance qui passe dans le coin. Oui, on a l'impression de c'est qu'il y a une ambulance. Oh, le grain de voix succulent. L'air de rien, je veux pas être alarmant, je ne veux pas faire de blessé dans ce que je vais dire. Mais est-ce que Maëva, tu m'autorises à le dire ? De quoi ? Non, j'ai dit en premier qu'elle... Non, elle a dit en premier. Hein. Ah. Donc on est à égalité. Vous êtes encore égalité ? Oui, on est encore égalité. Ah bah merde, dernier. Une fille aime un garçon. Oui. Une voiture volée. Marc Lavoine, le parking des anges. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. d'accord. Eh oui, bonne réponse. Oh, bah voilà, oui. Victoire pour Maëva. Bravo. Ça fait un partout ce soir. T'as l'air dégoûté. Ben c'est juste qu'en fait, on choisit pas l'heure de fin d'émission, donc moi j'ai dû speeder. Autant te le dire. Les amis, on se retrouve en podcast partout. D'ici là, je vous souhaite une bonne suite de semaine. On vous fait des bisous et Maëva va s'envoler dès qu'Antoine aura dit au revoir. Au revoir. Bisous.